Gaussem faidit, del gangul fedemar. Del gangul fedemar et des enois des sports et del perilus far sui mercedieus estors, d'un postire cundar que manta malanans ai suffert et mai turmen. Et posa dieu place que u tornmen en lemusi ab cor jausent d'un parti appesanza lu tournare l'un ranza li grasisc. Posel mocusent. Ben dei dieu merceggiar, pus vol que sans et force puisque le pays tournar, un val mais un paux ors que d'autre terre star, rix ab gran benananza. Car sul libel aculiment et l'un rat facel dit plazen de nostra donna il present d'amorusa cundanza et la douce semblanza val tout quand d'autre terre ten. Ara ai dreset chantar, pos vei gioie de por sulasse dum dejar, car so es vostra cors, e las funs, el riu clar, fan al cor allegranza, prate vergie, car tut mes gen. Cheranu dubti mar ni ven, garbi mai se ni punen, ni manaus nun balanza, ni mum fai mas dubtanza, galea ni cursier current. Chi per dieu gasagnar prendai tal descunors, ni per sarma salvar benesrez, nu gestors. Ma sel chi per raubare per mala curdanza vai per mar, un om tam al prend, en pau dura saven suven, che can qui giom pugiar dei sen. Si cap desesperanza, il aisa tut es lanza, l'arma, el cors, el laur, el argent.